comme des approches de cases. Mais faute de temps ou de circonstances, la providence refuse à moi de faire combustuler le destin. Persévérance et maîtresse d'espoir, je dois continuer à y croire. J'ai comme un vide dans ma vie, et les chances fatales arrivent à terme. Le destin est très inégal, c'est la malédiction qui m'a élu. Des fois je me dis à moi-même que cette injustice apparente n'est pas le fruit du hasard. Le bonheur n'est jamais total, éternelle insatisfaction de l'âme. Tout ceci est-il bien logique? J'ai comme un vide dans ma vie, j'ai les chances à la rive à terme. Le destin est très illégal, j'ai la malédiction qui m'a élu. Réflexion faite, je suis le plus fort pour supporter ce lourd fardeau jusqu'à la libération finale par le maître des souffrances. Et mon heure sera venue avec celle que j'ai toujours voulu. Oh.